On va parler des ambassadeurs de Chibougamau avec notre ami Michael Godreau. Salut Michael. Hey Bonjour. Michael, tournoi en fin de semaine pour les ambassadeurs. C'était à Rouyn-Noranda, 6 heures de route et ça a bien été. Oui, ça a bien été, malgré les résultats. Là, le premier match, on joue contre les Lions de New Lester. C'est pas très bien dans le classement. Mais on a perdu 2-0, là, manqué beaucoup d'opportunités. Le gardien de but était excellent. C'était un bon match, en tout cas. On était bien commencé le tournoi. Puis ensuite de ça, dans la même journée, le lendemain, en fait, on a joué contre Amos, les Comets d'Amos. Je tiens à rappeler que cette année, eux autres, ils n'ont pas de 2A non plus. Fait que des gros bassins comme ça, pas de 2A, ça fait quand même des bonnes équipes de hockey. Quant à moi, si on a annulé 2-2, ça a été extrêmement bien. Là, les gars se sont présentés, ils se sont battus jusqu'à la fin. Donc, je suis très, très, très content pour moi et pour eux autres de ce match-là. Après ça, en soirée, là, on jouait contre la grosse équipe, les Dawes de Rouyn. Ça, c'est la grosse équipe du tournoi. Les Dawes, c'est réputé qu'ils ont tout le temps. Ils ont une forte organisation stable. Un bon plan. Fait que, là, on a perdu 3-2 contre eux autres. Il fallait gagner ce match-là pour passer dans les rondes finales. Mais on a perdu 3-2 contre eux autres. Puis, les deux équipes en finale en tournoi, c'était Amos et Rouyn. Hey, tu parles d'un bon plan. Donc, c'est quoi, je veux dire, c'est quoi le bon plan? Est-ce que tu es au courant? Ben, tu le vois tout de suite quand une équipe est structurée et quand une équipe n'est pas Ouais. là. Ça décolle de l'organisation. Tu vois comment c'est arrangé par l'organisation. Puis l'organisation, ben, quand tu as de la stabilité, Ah, ça se super. reflète sur l'équipe, veut pas. Et je pense que c'est la base, là. Fait que après ça, ben, tu vois une équipe qui est. Ça a pas de noir, tu vois qu'ils sont structurés, elles donnent pas beaucoup de place, elles ont toutes des chances de marquer. Mais tu ouvres pas le jeu pour rien. Donc tu vois tout ça. OK. C'est pas C'est sûr que c'est pas évident au niveau midget, hein, au niveau mais ça, autant que possible, c'est de regarder de ce côté-là, hein, parce que c'est sûr que c'est toujours des bénévoles. Mais quoi qu'à Chibougamau, vous avez eu une très bonne organisation. C'était Roch Beaulieu, c'était Daniel Morin, c'était pendant plusieurs années. Lui qui est décédé, là, il faisait partie également qui travaillait comme Oui, Serge, Serge. oui, également, faisait partie également de l'organisation depuis longtemps. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder autant que possible, là. Je sais que c'est pas évident, par exemple. Ah, c'est pas évident, tu sais, ça demande beaucoup de temps. Tu peux t'impliquer dans quelque chose à moitié ou Ouais. 100%. Je pense que les gens qu'on avait, c'était tout le temps à 100%. Fait que, ça paraît beaucoup, puis c'est la stabilité. Ça prend de la stabilité. Que tu partes. Du midget à la Ligue Ouais, nationale. ouais, C'est ça partout, ça prend de la ouais. stabilité. Michael, est-ce que ton équipe était contente quand même? Je sais que ça n'a pas été facile dans la ligue comme telle. Est-ce que la performance dans fin de semaine va faire en sorte que ça va être meilleur? Ou puis confiance, donner un petit peu un niveau de confiance? Je l'espère, puis je crois absolument que je crois que ça va aider parce que. On a atteint une nouvelle étape, je pense. On a atteint un nouveau seuil. On s'en est parlé aussi. On a communiqué beaucoup ensemble, là, la direction avec les joueurs. Ça paraissait dans le parole, ça paraissait sur la glace aussi. Je pense qu'on a atteint un deuxième step. On n'est pas parfait, on ne se le cache pas, mais je suis content là, de la progression qu'on a eue en fait, en même temps hors glace que sans OK. glace. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour les ambassadeurs au cours de la prochaine fin de semaine? Si je m'en souviens bien, en fait, demain, on n'a rien. C'est libre, c'est congé. Ensuite de ça, on va avoir deux matchs contre. On a un match qu'on va avoir Saint-Félicien qui va venir. Après ça, on va avoir l'autre fin de semaine d'après, ça va être contre Chicoutimi. Ah, OK. Ça va. Deux matchs qu'on joue. Donc, bravo, puis on se reparle dans 2 semaines, évidemment, en étant en congé, c'est sûr que tu n'auras pas grand-chose à dire. Fait qu'on se reparle dans 2 semaines, Michael. Oui, c'est bon. Merci. L'instructeur-chef des ambassadeurs de Chibougamau, Michael Godreau.